Chapitre 3e. La terreur d'Ornano. Si Paulin Broquet et la mort se trouvaient là au moment de la bataille, ce n'était pas le fait du simple hasard. Ils avaient vu, quand la terreur d'Ornano sortit du bal avec la radieuse valseuse, ceux en qui ils reconnaissaient Thorntwick, le décoratif baron Dupont et l'énigmatique neveu leur emboîter le pas, tout en faisant signe à quelques clients des enfants de l'Aberon. Le petit groupe ainsi formé suivit à une vingtaine de pas le couple qui, ne se doutant de rien, fut brusquement attaqué. Il fallait sans doute, pour la cause de Zygomar, s'emparer de cette femme énigmatique. Mais l'inconnu aux cheveux dorés que cachait la perruque noire parvint, nous avons vu comment, à se débarrasser de ses adversaires et à fuir. Alors, les Zygomar, ayant manqué leur coup, abandonnèrent dans son ruisseau la terreur d'Ornano. Les uns guidant les autres, à demi aveuglés, ils se perdirent dans les petites rues sombres. La terreur d'Ornano se releva, mais comme il cherchait ses ennemis, furieux, pour reprendre la lutte, qu'il hurlait des injures, proférait des menaces terribles, agitant ses bras énormes, avançant ses poings formidables, tout à coup ses mains furent saisies au vol par des chaînes d'acier, et il se trouva arrêté, ligoté, mis dans l'impossibilité de bouger. Absolument abasourdi par ce nouvel avatar, plus étonnant encore que le premier, la terreur d'Ornano se sentit enlevée et jetée dans une auto qui vint à un coup de sifflet se ranger près du trottoir. La mort se réveilla le lendemain matin dans un poste de police du faubourg Saint-Jacques. Il avait été ramassé dans la nuit, profondément endormi, sur un banc du boulevard Saint-Michel, par deux braves agents qui paisiblement se promenaient lentement sous leur capuchon. Après un long somme dont rien ne put le tirer, il eut grand-peine à se faire reconnaître par le commissaire, qui ne comprenait pas comment un lieutenant de Paulin Broquet pouvait se trouver dans une situation pareille, d'autant plus étonnante que lui-même n'arrivait pas à en donner l'explication. Et dans cette aventure déjà bien singulière, le côté comique fut donné par cet agent de la sûreté qui, en contravention, malgré lui, passait une nuit au violon. La terreur d'Ornano, de son côté, coucha cette nuit dans une chambre du dépôt où Paulin Broquet le fit conduire. Le lendemain, on l'introduisait dans le cabinet du chef de la sûreté. La terreur d'Ornano commença par protester, par crier, par réclamer un avocat. Deux gardes avaient mission de le maintenir, mais de le laisser hurler à son aise. Quand il fut fatigué de crier en pure perte, M. Baumier et Paulin Broquet firent leur entrée. La terreur d'Ornano voulut recommencer ses protestations, mais le chef de la sûreté lui dit « Taisez-vous, ne criez pas, on ne veut pas vous garder. » « D'abord, j'ai rien fait !» cria la terreur. « On m'a attaqué, je me suis défendu, j'étais en état de légitime défense. » Paulin Broquet intervint. « Je l'ai dit à M. Baumier, c'est moi qui vous ai arrêté. »« Vous, M. Broquet ?» s'écria la terreur. « Parbleu, je m'en doutais. Il n'y a que Paulin Broquet pour empoigner et ficeler de cette façon un homme comme moi. » Puis il dit encore. « Alors vous avez vu, pas vrai. Vous savez que j'ai rien fait. C'est entendu. On ne me garde pas, non. » Le chef de la sûreté ajouta, « Je vous l'ai déjà dit. »« Oui, » dit la terreur d'Ornano, « oui, vous me l'avez dit. Mais sans vous offenser, je voudrais que M. Paulin Broquet me le dise aussi. »« Ah ça !» s'écria M. Baumier, « vous ne me croyez pas. »« Si, si, seulement avec M. Paulin Broquet, c'est plus sûr. » Telle était la puissance exercée par Paulin Broquet chez les pires bandits, chez les individus les plus dangereux de la cabine de cet homme. Tous redoutaient le détective, tous tremblaient à l'évocation seule de son nom, mais tous le savaient fort comme les plus forts, braves comme les plus braves, et ils l'admiraient. Ils le savaient juste et loyal, et s'ils étaient ses ennemis, ils reconnaissaient sa puissance et savaient qu'avec lui il y aurait toujours bataille, mais jamais trahison à redouter. La terreur, comme tous ses pareils, préférait la parole de Paulin Broquet aux affirmations de son chef. D'ailleurs celui-ci, qui savait cela, ne s'en formalisait aucunement. « Alors, mon cher Broquet, » dit-il au détective, rassurait la terreur. Paulin Broquet dit au prisonnier, « Tu es libre, tu sortiras d'ici dans un moment. Tu vas seulement nous donner quelques renseignements. »« Sur des camarades ? » ?»« Jamais. » »« Voyons, monsieur Broquet, vous n'allez pas me demander ça. »« Non, pas sur des camarades. » »« C'est pas ça la condition de ma liberté, car vous savez... »« Mais non !»« Tiens, je t'enlève la chaîne avant tes réponses, tu vois bien. »« Bon, monsieur Broquet, alors je vois que je pourrais répondre sans trahir. » « Pour que vous soyez plus rassuré encore, » dit le chef de la sûreté, « c'est Paulin Broquet qui vous posera les questions. »« Bon, j'aime mieux ça, si ça ne vous fait rien. » Paulin Broquet, alors, sur l'injonction de son chef, se mit à questionner la terreur d'Ornano. « La femme que tu faisais danser hier soir chez Clafou, c'est une nouvelle femme. Elle n'est pas de ton quartier. Qui est-ce ?» La terreur d'Ornano, devant ces questions qui ne touchaient point à son honneur spécial de gentilhomme des boulevards extérieurs, n'hésita pas à répondre. « Pour tout vous dire, monsieur Broquet, commença-t-il, je n'y comprends rien moi-même. Qui sait, je n'en sais rien. D'où qu'elle vient ?» Elle n'a pas voulu me répondre. Elle m'a dit « Je suis là, que ça te suffise. Tu n'as pas besoin de savoir d'où je viens, ni quel chemin je prends pour venir. Où l'as-tu connue ?» Un soir, comme j'entrais chez Clafou, elle se planta droit devant moi et me dit « C'est toi la terreur d'Ornano ?»« Bon, j'ai à te parler. »« Entrons, que j'y dis. » »« Non, qu'elle me répond, pas ici, pas aujourd'hui. » Et elle m'entraîna dans un autre établissement du boulevard. Là, on parla. Je la regardais. Je la connaissais pas, mais jamais j'avais vu de femme aussi belle. Son nom ? Appelle-moi comme tu voudras, qu'elle m'a dit. C'est ta maîtresse ? Non, répondit la terreur d'Ornano. Non, monsieur Broquin, c'est pas ma maîtresse. Ah, ça vous étonne ? Moi aussi, mais je vous dis la vérité. C'est la première fois qu'une femme reste une heure avec moi sans que j'aie fait valoir mes droits de chef du quartier. Mais celle-là, elle n'était pas du quartier, non. Puis, pour tout vous dire, elle n'est pas comme les autres. Est-ce une dame de la haute ? J'en ai vu aussi, pas mal, des grandes dames, avec de beaux noms, qui, par ce qu'elles appellent snobisme et qui, à mon avis, le vice qu'elles ont dans la peau, et qu'elles ne peuvent pas calmer avec leurs maris ou leurs amants du monde qui sont claqués dès leur jeune âge, alors elles viennent chercher les mâles chez nous, chez les apaches, qui les empoignent dur, leur font mal, et leur donnent le petit frisson de la peur, le goût du crime. Il leur faut à ces belles dames parfumées et chlorotiques, le relent des bouges et la trace du sang qui reste aux mains des assassins dont elles veulent être aimées. Ça, vous le savez par la cohue empanachée qui vient en cour d'assises. C'est la même chose pour les bourgeois. Dès qu'une femme a commis un crime, ils en sont tous fous d'amour. Passons. Alors, celle-là, pas comme les autres. Pas de chichi, pas de petite pamoison, pas de frisson, mais du calme, du nerf, de la poigne. Tenez. Quand j'ai voulu l'approcher de trop près et commencer, pour montrer comme aux autres que j'étais le maître, par lui envoyer une gifle, comme cela se fait toujours, elle m'a attrapé le poignet, me l'a serré, et m'a tellement tordu le bras avec sa petite main qu'elle m'a forcé à me mettre à genoux, moi, devant elle, une femme, moi, la terreur d'Ornano. Alors, ensuite, elle m'a dit simplement « C'est moi qui commande, on doit m'obéir. Je ne fais que ce qui me plaît et quand ça me plaît. J'ai besoin d'un homme solide. Tu es plus fort que tes camarades. Je t'ai choisi pour ce que j'ai à faire. Si tu veux m'obéir, top là, marché conclu. Sinon, bonsoir, va-t'en. » Elle était plus belle encore. J'ai obéi. Qu'est-ce qu'elle voulait ? Oh, une fantaisie. Entrer aux enfants de l'Aveyron, danser. Mais elle ne voulait pas y venir seule, pour que les autres ne l'embêtent pas. Elle pensait qu'avec moi pour compagnon, on la laisserait tranquille. C'est ce qui est arrivé. Oui ? Elle voulait aussi voir des hommes de la bande des aides. « Hein ?» fit vivement intrigué Paulin Broquet. « Pourquoi ?» Elle ne me l'a pas dit. Elle m'a demandé si j'étais moi, des aides. Je dis que non. Ça, vous savez, c'est exact. Je suis mon maître. Moi, j'ai pas besoin de m'affilier à une bande, de travailler pour un autre, pas vrai ? Puis je mange pas de ce pas-là. Je suis la terreur d'Ornano. Bon, je vis comme toutes les terreurs, mais je suis honnête. Je ne travaille pas dans le résiné. D'ailleurs, vous le savez bien, monsieur Broquet. « Oui, continue. » J'ai dit alors que j'étais pas un Z, mais que j'avais des copains qui en étaient, et que je les lui montrerais. Elle m'a demandé si je connaissais Zigomar. « Ah, Zigomar. Pourquoi Zigomar ? Elle voulait donc le connaître aussi, il paraît. » Seulement j'ai répondu que personne ne connaissait Zigomar, qu'on y obéissait sans jamais le voir. C'était pour les Z le maître invisible, puissant et redouté, mais qu'on ne savait pas qui c'est. Elle s'est contentée de cette réponse. Il a bien fallu. Seulement, elle m'a encore demandé où les aides se réunissaient après être venus chez Clafou. Tu le lui as dit ? J'y ai dit que les aides avaient autrefois la barbotière, mais qu'ils l'ont fait sauter quand ils ont cru tuer Paulin Broquet. Elle s'est écriée. Comment ? Ils ont voulu tuer Paulin Broquet à la barbotière ? Oui, j'y ai dit. Seulement, Paulin Broquet est aussi fort à lui tout seul que Zigomar et tous les aides réunis. Tu me flattes. Non, on le sait bien, allez. Revenons à ta belle compagne. Après la barbotière, que j'y ai dit, Zigomar et ses hommes se réunissaient près de la grande roue, chez madame Zulma. Mais là encore, ça a sauté, parce que les aides ont cru, cette fois encore, tuer Paulin Broquet. J'ai la vie dure. C'est ce qu'elle m'a dit, en riant. mais j'ai dit que Zigomar avait torturé un pauvre diable d'agent qui ressemblait à Paulin Broquet, que c'était lui qu'on avait fait sauter à la dynamite, croyant que c'était Paulin Broquet. Quant à Paulin Broquet, ce soir-là, il se promenait ailleurs. La preuve, c'est que vous voilà, et que l'autre pauvre bouc est enterré à votre place. Ça, par exemple, ça la fait rire. Rire à se tordre. Puis elle m'a demandé si je n'avais pas entendu parler d'un coup qu'on devait bientôt faire. J'ai dit que j'étais pas sûr, mais que les aides devaient se trouver chez Clafou pour recevoir, comme d'habitude, des mots d'ordre, des consignes, pour savoir où qu'ils se réuniraient désormais, où qu'était la nouvelle barbotière. Où est-elle, cette troisième barbotière? Je n'ai pas pu lui dire. Personne encore n'en sait rien. On parle du caveau de la baleine, dans la rue Jonas, barrière d'Italie, mais c'est pas sûr. Ça ne fait rien, qu'elle m'a dit. Tant pis. Ne nous occupons plus de la barbotière ni de la baleine. Allons danser. Je l'ai conduite au bal chez Clafou. Nous avons eu un succès. Tous les copains en fumaient de voir cette femme. Ah, sûr que s'il n'avait pas été avec moi, même dans l'établissement des enfants de l'Aveyron, on aurait sorti les couteaux pour elle. Alors, avec un geste de rage, la terreur d'Ornano poursuivit. Quant à moi, j'étais idiot tout à fait. J'aurais dû me méfier de la sortie quand je suis parti avec elle. Ils en avaient tous trop envie. Alors les lâches, ils se sont mis à plusieurs, et ils me sont tombés dessus. Ils me l'ont enlevée. Mais je l'aurais reprise, ça c'est sûr, je l'aurais reprise. Seulement, vous m'avez fait, et me voilà, il ajouta. Maintenant, je suis déshonoré. Pourquoi? Parce que je n'ai pas pu garder la femme que j'avais. Et il va falloir que je me venge terriblement. Il va y avoir des batailles. Mais vous êtes témoin, monsieur Broquet, que j'ai pas commencé, et que j'aurais pas tort, même si j'en démolis quelques-uns. Bon, bon, fit le détective, tout ça s'arrangera. D'abord, écoute ceci pour te tranquilliser. Ils ne t'ont pas pris, ta femme. Pas pris ma femme? Non, car elle s'est défendue, comme tu dois l'imaginer. Elle a descendu trois hommes. Trois? Chouette. Je vous dis qu'elle est forte comme une terreur qui serait femme. Il est parti toute seule, dans sa voiture. Il est probable, mon pauvre vieux, qu'on ne la reverra jamais, ni toi ni les autres. À cause? Elle a vu ce qu'elle voulait voir. Elle connaît le bal de Clafou et la bande des aides. Sa curiosité est satisfaite. Maintenant, elle va chercher ailleurs à satisfaire son goût d'aventure et à utiliser la puissance extraordinaire de ses merveilleuses petites mains de femme. Puis, comme la terreur d'Ornano le regardait avec étonnement, il lui tapa sur l'épaule familièrement. « Maintenant, tu peux t'en aller, » lui dit-il. « Tu es libre. »« Seulement, crois-moi, ne cherche pas querelle à tes copains. Ils ne sont pour rien dans tout cela. C'est Zigomar qui a fait le coup. »« Zigomar ? » ?»« Oui. Or, comme Zigomar est insaisissable, tu perdrais ton temps à vouloir le combattre. Cependant, libre à toi de démolir quelques aides si ça te chante. Ça vous ferait plaisir, monsieur Broquet? Je réserve mon opinion. Bon. Mais la femme, qu'est-ce qu'elle est devenue? Cherche, lui dit Paulin Broquet en riant. Cherche. Il faut toujours chercher la femme. Peu après, il faisait reconduire par les gardes la terreur d'Ordano et lui rendait sa liberté. Cet homme, dit-il au chef de la sûreté, est un merveilleux type de la force brutale, de la force seulement, sans la moindre intelligence. Zigomar a toujours refusé de l'engager parmi les aides, parce qu'il redoutait sa bêtise. On ne peut avoir en lui aucune confiance. Sans qu'il s'en doute, on lui ferait dire tout ce qu'il sait. Je m'en suis rendu compte. Nous avons tiré de lui tout ce que nous voulions. Maintenant qu'il aille se faire pendre ailleurs, et qu'il se lance à la recherche de la belle mystérieuse aux cheveux dorés.